9-4 1-2 D-R-Y Wati-B Ouais gros à se noyer dans les dettes, il paie la facture. À faire des kilomètres, il en a des fractures. Son cœur a l'air honnête, mais c'est son destin. Et donc avec des restes peut se faire un festin. Ce n'est qu'une proie pour les huissiers, squatte le pôle emploi. Car il n'a pas le vocabulaire que Jean-Paul emploie. Il a la foi, donc persévère dans la banqueroute. Même si madame lui chuchote qu'il est sur une fausse route. Enfonce les bandes des acédiques comme son canapé. Angoisse dans l'attente d'un compte patron qui veut pas rappeler. Il tourne en rond comme la boule noire dans les casinos. C'est juste la routine d'un banlieusard ou parigot. Si t'es surendetté, libérable en été. Même si t'as pas les faves, j'ai comme une envie de faire mes valises. Envie de tout plaquer, quitter Paris. Pas besoin d'aller voir un psychanalyste. Je sais déjà ce que je dois rayer de ma liste. Pour évacuer le blues que t'as, passe à la banque, récupère le flou que t'as. Même si tu te mets à découvert, prends tout ce que t'as. Tout ce que t'as. Je te répète, récupère tout ce que t'as. Ouais. Il a les flics au seuf, défie la justice. Comme il est plutôt bœuf, des keufs il en couche 10. Voit le terrain lui appartient, donc le pérennise. Histoire de flasher Fatoumata jusqu'à Bérénice. L'état le parasite jusqu'à son portable. Surtout qu'il côtoie que des sables, plus qu'un sortable. Prend des coups comme le pare-choc d'une femme au volant. Toujours droit comme un Icar insoumis et insolent. Fiché ça depuis le collège, ghetto dépôt ses collègues. Pour les plus chanceux, sinon 3 ans ferme la peine, la pulège. Mais dont de tech, tout est drame. Ta vie n'a aucun charme, seule la poisse rôde, fais comme moi. Si l'état te recherche, ici ça pue la haine. Même si t'as pu la pêche, j'ai comme une envie de faire mes valises. Envie de tout plaquer, quitter Paris. Pas besoin d'aller voir un psychanalyste. Je sais déjà ce que je dois rayer de ma liste. Pour évacuer le blues que t'as, passe à la banque, récupère le flou que t'as. Même si tu te mets à découvert, prends tout ce que t'as. Tout ce que t'as. Je te répète, récupère tout ce que t'as. Elle n'aime pas la violence, non. Mais pourtant dispose du bleu dans les yeux à croire que Zizou la explose. Elle subit les regards des commères du patelin. Les traite tous de connards, n'attendant aucun coup de main. Une femme battue mais se dit juste une femme amoureuse. Peut mourir au foyer mais clame au monde une vie heureuse. L'amour c'est comme les jeux de main, donc ça finit mal. Y aura plus de pardon quand sonnera l'heure des funérailles. Si tu veux changer d'air, ton mec te fout les nerfs. J'ai comme une envie de faire mes valises. Envie de tout plaquer, quitter Paris. Pas besoin d'aller voir un psychanalyste. Je sais déjà ce que je dois rayer de ma liste. Pour évacuer le blues que t'as, passe à la banque, récupère le flou que t'as. Même si tu te mets à découvert, prends tout ce que t'as. Tout ce que t'as. Je te répète, récupère tout ce que t'as. Ouais. DRY 9-4 intouchable clip. Gros. Fais tes valises et récupère tout ce que t'as, ouais. Récupère-moi tout ce que t'as, ouais. Tout ce que t'as, ouais. Récupère-moi tout ce que t'as, ouais. Fais tes valises, tout ce que t'as, ouais. Récupère-moi tout ce que t'as, ouais. Fais tes valises, tout ce que t'as, ouais. Récupère-moi tout ce que t'as, ouais. DAY 9-4